Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL. Et pour commencer l'émission, on va revenir un peu sur le magnifique été qu'on a connu au Québec cette année, qui se poursuit encore aujourd'hui. Il fait 26 avec du gros soleil. Il y a eu de nombreux records de température qui ont été battus cet été. Nombre d'heures d'ensoleillement exceptionnel. On n'a pas pu chialer sur la météo comme d'habitude. malgré cela, il semble que cette température idyllique aurait eu des répercussions néfastes pour l'environnement. Donc, pour nous parler, j'ai à mes côtés Mélanie Jean. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour. L'été 2012, est-ce que c'est un sombre aperçu de ce que nous réserve l'avenir? Et sombre, je ne parle pas du soleil, mais des conséquences de ça. Bien, on pourrait peut-être dire que oui, parce que en plus du beau temps, bien, depuis que l'année est commencée, on a beaucoup entendu parler d'inondations, de sécheresses, de vagues de chaleur, de fond des glaciers et autres phénomènes extrêmes, là, j'en passe. Et si les fortes chaleurs, les inondations ne prouvent pas directement le réchauffement climatique, bien, elles sont néanmoins un très bon indice. Bien entendu, ça serait erroné de prétendre là, qu'un événement météorologique singulier, c'est la résultante directe des changements climatiques. C'est un peu trop facile. Là. C'est ça. Mais cela dit, les probabilités que des événements météorologiques extrêmes se produisent, ils sont désormais beaucoup plus élevés qu'il y a 50 ans. Puis cette nouvelle fréquence, elle peut quant à elle être réellement attribuée au changement climatique. Et puis, est-ce que l'intensité de ces événements peut également être attribuée à ça? Parce que il semble bien que des gens pensent encore que le réchauffement climatique n'aggrave en rien les sécheresses ou les autres événements météorologiques. En disant, ça arrive plus souvent, mais c'est pas nécessairement plus grave. C'est vrai que, comme tu as dit, il y a des gens qui croient même pas encore que ça a un lien. Ouais. Puis tu vas voir plus tard que c'est pas tout à fait vrai. Là. Ceux qui croient que ça n'a aucun lien, peut-être qu'ils se trompent. Parce que on les appelle les climato-sceptiques. D'ailleurs, on a un très bon exemple avec les fermiers américains. Eux, ils croient encore que les bouleversements là sont totalement d'ordre naturel. Puis le meilleur exemple, c'est dans la fameuse Corn Belt, la ceinture de blé. C'est plusieurs États qui sont producteurs de maïs. Là, on parle de l'Illinois, le Missouri, le Nebraska, le Kansas. Eux, là, ils sont énormément touchés par la sécheresse. Il y a 28% des fermiers qui estiment qu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'il y a un changement climatique. Pourtant, ils sont victimes. C'est ça, en plus. Okay. Et il y a 5% qui le croient absolument pas du tout. Ça, c'est selon une étude qui a été faite par l'Université d'Iowa cette année. Et pourtant, là, cette année, la région agricole des États-Unis, elle a connu là, une de ses pires aridités. Là. Puis, pour certains experts, les fermiers sont en partie responsables de leur malheur. Okay. Parce que le Midwest est devenu vraiment très dépendant du maïs et du soya. Puis ça, c'est des cultures qui sont très subventionnées là, pour faire de la production de biocarburant. Oui, qui n'est pas nécessairement la panacée en matière de carburant, exactement, finalement. Exactement. Mais pour les fermiers, c'est très lucratif, donc ils se lancent souvent dans ça. Okay. Et aussi pour le sirop de maïs, qui est à haute teneur en fructose, là, puis qui est omniprésent dans l'alimentation américaine, là, dans la nôtre aussi. C'est pas très bonne pour la santé. Exactement. Et là, ainsi, le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré aux États-Unis depuis 1895. Oh, ça fait un bout de temps, là. C'est probablement pas juste aux États-Unis aussi. Et la sécheresse s'est étendue sur 63% du territoire continental américain. Donc, c'est pas rien. Hein. Mais par contre, ce qui est un peu paradoxal, c'est que la région du Golfe du Mexique puis le sud-ouest des États-Unis a enregistré des pluies beaucoup plus abondantes que la moyenne. Donc, c'est comme deux extrêmes presque à la même place. OK. C'est comme si ça s'était pas réparti également. C'est ça. Et puis, il n'y a pas que les États-Unis non plus qui ont souffert de l'aridité. Il y a la région des Balkans en Europe qui a été durement frappée par une sécheresse cet été aussi. Et ça a affecté grandement l'agriculture de cette région qui est déjà une des plus pauvres là, d'Europe. Cette canicule qui était assez hors du commun là, apportait des températures là, de parfois plus de 41 degrés, et ça c'est avant l'humidex, comme en Bosnie où elle a été la plus forte depuis 120 ans. Puis ça a fait suite en plus à un hiver qui était particulièrement rude. Okay. Ils l'ont pas eu facile. Les cultures sont dans un état catastrophique. Il y a même certains agriculteurs qui ont tout perdu. Okay. Et en Bosnie, ça représente des dégâts d'environ 300 millions d'euros. C'est pas rien. Dans le sud-ouest de la France, toujours en Europe, il y a aussi plusieurs sécheresses qui ont sévi. Très récemment, là, il y a 13 départements de ce bassin-là, du sud-ouest de la France. Puis ça représente un cinquième du territoire français. Ils connaissent encore un interdit de prélèvement d'eau qui sont non prioritaires. Okay. Donc la situation est assez grave. C'est grave, là. Mais comment demeurer convaincu que la main d'homme n'y est pour rien? Ce serait quoi, là, le... La meilleure preuve, je pense qu'il faut se tourner vers l'Arctique. OK. Avec le recul des glaciers qu'il y a eu cet été, là, je pense qu'on a atteint un sommet historique. À chaque année, c'est historique. Oui. L'année passée, c'était historique. Mais cette année, c'est encore historique. C'est vraiment pire que tout ce qu'on a connu, là. Comme si c'était pas assez de battre des records de chaleur, là, autant au Québec qu'ailleurs, là. On a battu un triste record. C'est pire que les années passées. La minceur de la glace, qui se répète depuis plusieurs années, a précipité la fonte de la banquise dans l'océan Arctique cet été. Le précédent record datait de 2007, mais là, on l'a facilement battu là, déjà à la fin juillet, début août. Là. Et depuis 2007, ben, quelle que soit l'étendue de la calotte hivernale, la banquise estivale a toujours été plus réduite des années 70 là, au début des années 2000. C'est une certitude parce que depuis 79, les satellites mesurent l'étendue à chaque jour là, de la banquise. Donc, c'est des mesures là, au jour le jour. Très précises. Auparavant, la glace, affichait une épaisseur moyenne d'environ 3 mètres et parfois même plus. Mais là, aujourd'hui, là, on se retrouve à peine rarement plus de 1,50 m, là, même en plein cœur de la banquise. Et puis, selon une étude qui est parue dans le magazine Nature, c'est une fonte sans précédent depuis 1200 ans. Donc là, on a atteint le fond, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas anecdotique. Non, là, non. Hein, c'est un record qu'on n'a jamais battu, en fait. Puis c'est un nouveau signe, je pense, qui est assez indubitable du changement climatique qui est en cours, là. Puis l'ampleur dépasse vraiment les prévisions scientifiques, là. La disparition programmée de la banquise durant l'été a aussi relancé l'appétit pour les fameuses ressources pétrolières et gazières qui sont enfouies, là, sous les sédiments marins. Et la quasi-totalité de la communauté scientifique maintenant s'accorde pour dire là, que le réchauffement climatique favoriserait l'intensité inhabituelle des événements météorologiques hors normes, comme les sécheresses, et les ouragans, ces choses-là. Une étude climatique réalisée cette année par des spécialistes britanniques et américains a conclu que la probabilité de ces phénomènes extrêmes, là, à cause des changements climatiques, est de 60 fois plus élevée qu'à la normale. Donc là, c'est assez clair. Oui, oui, il y a quelque chose là qui change. On peut juste, là, il nous reste juste à spéculer sur ce qui va arriver, là, les autres phénomènes vont-ils devenir monnaie courante au fil des années? Oui, OK. Je comprends. Donc, puis, côté avenir, j'imagine que ça me sonne pas très reluisant là, par rapport à ce pas qui se passe fait, maintenant. Non. Bien que les fortes chaleurs prouvent pas, hors de tout doute, que c'est un réchauffement climatique anthropique, parce que ça peut arriver que c'est des phénomènes qui sont ponctués et isolés. Oui, comme il y en a pas tout le temps. C'est sur ça. Terre, hein. Mais c'est néanmoins un indice, sinon un signe assez clair que le climat de notre planète est vraiment en train de changer complètement. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules à long terme, c'est la manifestation la plus évidente du réchauffement climatique, en plus de la fonte de la banquise. Oui, c'est très logique. Ça se réchauffe, oui. Là, on peut... Le réchauffement global, là, il est bien là. Puis il est mesurable, en plus. Et c'est pas seulement les sécheresses qui risquent d'augmenter, mais aussi l'inverse, là, les fortes pluies. Parce que là, quand on pense à l'augmentation de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça conduit aussi à de plus fortes pluies. Donc là, l'année 2012 va peut-être même se terminer en beauté, parce que les météorologistes nous annoncent le retour du fameux phénomène El Niño. OK. Mais s'il est modéré, ça va apporter des pluies bénéfiques en Amérique. Mais si peut-être un hiver neigeux au Québec, on ne sait pas trop. S'il est puissant, par contre, là, ça va être des inondations puis des pluies destructrices là, pour les cultures, surtout en Amérique du Sud. Donc, chaque année qui se succède, là, on bat un record à chaque fois, mais malheureusement, rien n'indique que la tendance va être renversée. Peut-être qu'il va falloir s'attendre à de plus en plus de changements dans tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Peut-être même qu'on va vivre assez vieux pour voir un hiver québécois pas de neige. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui s'en réjouiraient, mais on va pas souhaiter ça, non, parce hein? que je pense pour le bien-être de notre planète puis pour la beauté de l'hiver, hein, on veut pas perdre ça non plus. Exact. Ça nous empêche pas d'en profiter comme il y a des belles journées aujourd'hui, par exemple. Donc, merci beaucoup, Mélanie, pour cette première chronique de l'année. Ça fait un plaisir. Alors, c'est maintenant le temps d'aller en pause musicale sur les ondes de CKRL 89.1.